Chapitre 29e. La seconde visite de Sextus Bonenfant à Madame Ripert avait été concertée avec Julien et Mélanie. Averti par un homme de science des progrès rapides d'un mal qui arrivait à l'état aigu mène à l'abrutissement ou à la folie, Sextus avait tenu à dégager sa responsabilité et à prévenir ses amis. Quelque douloureuse que dût être la consultation, Julien exigea que Mélanie y prît part, en l'absence de M. de Villeberg toutefois, dont il se réservait de réclamer le concours au moment opportun. M. de Villeberg, autorisé par sa mère et par ses sœurs, avait offert un asile à Mélanie dans sa famille, et cela dès l'arrivée des jeunes gens à Aix. Julien avait accepté, mais seulement pour le cas où les tentatives de conciliation échoueraient. Il avait obtenu l'agrément de Mme de Villeberg, femme de cœur et d'esprit dont la réputation d'honorabilité était parfaitement établie, et qui se prêtait d'autant plus volontiers à cet acte de réparation qu'elle avait sérieusement redouté l'influence de Mme Ripert sur son fils. Certain de l'assentiment de son ami quand il ferait appel à son dévouement, Julien ne crut pas utile de le convoquer. Il aurait craint que Mélanie n'eût à rougir devant ce jeune homme qu'elle connaissait seulement depuis quelques jours. Quand ils furent tous les trois, Sextus, Mélanie et lui, « Nous voici arrivés à l'heure solennelle des résolutions définitives, » dit-il. « Je crois inutile, Mélanie, de vous dire que je vous aime de toutes les forces de mon âme, que mon vœu le plus ardent est de pouvoir vous consacrer ma vie, et d'avoir le droit de vous faire respecter non seulement parce que je vous aime, mais encore parce que vous porterez mon nom. Le voulez-vous toujours ?» La jeune fille eut un adorable sourire. Elle tendit les deux mains à son ami et approcha son front de ses lèvres pour recevoir le baiser des fiançailles. Ils se regardèrent longuement, les yeux dans les yeux, émus, heureux, oubliant dans leur extase le monde et Sextus lui-même. Celui-ci, fort embarrassé de son personnage et secoué par le contre-coup de cette passion, prit le parti de tousser pour amener les amoureux sur la terre. Julien lui serra la main et fit rasseoir Mélanie. « Merci, » reprit-il, s'adressant à la jeune fille. « C'est à vous qu'il appartient de décider si nous avons fait tout ce qu'il était humainement possible de faire pour que Madame, votre mère, ne nous forçât point à user des droits que la loi vous donne. » C'était au tour de Sextus de prendre la parole. Il raconta sa visite, il rapporta sa conversation avec le médecin. « S'il en est ainsi, conclut-il, il est certain qu'un rapprochement est impossible. » Mélanie réfléchissait. Les deux hommes respectèrent sa méditation et attendirent. « Mes amis, » dit-elle enfin, « j'aurais été très heureuse que ma mère redevînt ma mère. Si peu que j'ai eu de témoignages de son affection, c'est ma mère, et il m'est cruel de penser que les liens qui nous ont unis doivent être brisés à tout jamais. Lorsqu'il y a un an, j'ai fui sa maison, je suis partie sans regarder derrière moi. Je ne savais pas où j'allais. Je secouais une chaîne. Je me lançais dans l'inconnu sans hésitation, parce que je ne connaissais rien de la vie et que tout me paraissait préférable à mon esclavage. Aujourd'hui j'aime et je suis aimée. Je vais devenir à mon tour maîtresse de maison. La séparation première ne suffit pas. Il faut que la loi la renouvelle et la complète. Je désire que la nécessité m'en soit affirmée par un ami sûr, ayant vu lui-même et me disant en son âme et conscience, oui ou non. Je désire que cet ami ce soit vous, monsieur Bonenfant. Retournez une dernière fois auprès de ma mère. Et ce que vous aurez résolu, je le ferai, sans observation, sans discussion. J'ajouterai, sans regret, si je ne sentais au battement de mon cœur combien il est triste de n'avoir plus de famille. Sextus essuya furtivement de larmes qui perlaient sur ses paupières et ne put trouver que ces mots. À mon tour, permettez que je vous embrasse. Et il embrassa alternativement et à plusieurs reprises Julien et Mélanie. Braves enfants, répétait-il. Vous méritez d'être heureux. Vous aurez bien gagné votre bonheur. La seconde visite était résolue. On sait quelles en furent les péripéties et comment elle se termina par une supercherie de bon enfant. Celui-ci était attendu avec d'autant plus d'impatience que M. de Villeberg, ayant recueilli les bruits du palais, avait fait part à Julien de l'irrémédiable décadence morale et physique de Mme Ripert. « Ou je me trompe fort, disait-il, ou M. Bonenfant te donnera le conseil d'agir rapidement. Quant à nous, nous sommes prêts. En 2 heures, ta fiancée peut être installée chez ma mère. Elle y attend, et pour qu'il n'y ait pas de doute sur le caractère de son intervention, elle viendra chercher Mélanie en voiture à l'hôtel. Elle recevra la jeune fille des mains de bon enfant, qui lui tiendra lieu de père ou de tuteur. Tu ne seras plus admis qu'à titre de fiancé, dans les conditions ordinaires d'un prétendu qui fait sa cour. Tu vas bien t'ennuyer, mon pauvre ami, mais que veux-tu? Si du moins Paris était libre. Il faut espérer que la Commune sera bientôt vaincue. Cependant, il n'y faut pas trop compter. La lutte sera peut-être longue. L'arrivée de Sextius interrompit la conversation qui entrait dans la politique. « Eh bien ? » demandèrent-ils. « Mélanie n'est pas là ?» interrogea bon enfant, qui s'assurait de son absence en scrutant du regard tous les coins de l'appartement. « Non, elle a voulu se recueillir en vous attendant. Je ne serais nullement étonné si elle était en prière. » « Mademoiselle Ripper n'a plus de mère. C'est une ruine comme femme et un cerveau détraqué. Il n'y a pas une minute à perdre. Que Mélanie aille aujourd'hui même chez Madame de Villeberg et qu'avant ce soir un notaire procède aux actes respectueux. » Reprenant un à un les incidents de sa visite, Sextus retraça ce tableau navrant. Il n'y avait plus à hésiter. Mélanie s'était engagée à se conformer aveuglément à son avis. Il n'aurait donc pas donné de nouvelles explications. Comme elle l'avait promis, Mademoiselle Ripper ne fit aucune observation, mais elle devint très pâle et ses mains tremblaient dans les mains de Sextus, qui, lui montrant Julien grave et résolu, lui dit « La femme doit obéissance à son mari. Ce devoir-là vous sera si doux que vous y trouverez bien des compensations. Que vous êtes bon, et vous, Julien, je vous remets en toute confiance mon honneur, mon avenir, ma vie. » Il avait été très souvent question entre eux de leur séparation momentanée. Ils savaient que leur intimité de tous les jours, de toutes les heures, ne pouvait se continuer chez Madame de Villeberg. Ils s'étaient habitués à cette idée de ne se voir qu'une heure en visite de cérémonie en présence de la nouvelle famille de Mélanie. Mais ils avaient espéré que cette période de transition serait très courte. Ils comptaient, les premières formalités remplies, retourner à Paris, leur domicile réel, où se ferait le mariage à l'expiration des délais légaux. La Commune renversait tous leurs projets, ce qui ajoutait une douleur de plus à leurs angoisses patriotiques. Quelque effort que fit Julien pour donner du courage à son ami, leurs adieux furent tristes. Mélanie n'était pas sans appréhender l'inévitable curiosité de Madame de Villeberg et de ses filles. Elle la savait la meilleure des femmes, et sa conduite à son égard le prouvait. Mais le souvenir de sa folle escapade et de sa vie d'aventure se représentait à son esprit. Elle en était honteuse, et puis l'amour l'avait rendue plus que timide, timorée. Madame de Villeberg était une de ces femmes malheureusement trop rares, qui, sévères pour elles-mêmes, sont indulgentes aux autres. Avenante, souriante, d'une exquise bonté, elle savait alléger par la manière de leur rendre le poids d'un service rendu. Elle entra à l'hôtel de la Mule Noire au bras de son fils, qui la conduisit dans un petit salon disposé pour elle. Miette alla aussitôt prévenir sa maîtresse qui descendit accompagnée de bon enfant. La présentation eut lieu cérémonieusement. Mélanie, d'une voix émue, dans une attitude modeste, remercia Madame de Villeberg de sa bonté et de sa reconnaissance. Madame de Villeberg, satisfaite de sa première impression, tendit la main à la jeune fille. « Ma chère enfant, mon fils m'a fait vous aimer avant de vous connaître. C'est lui que je remercie maintenant de m'avoir donné une fille de plus. »« Oh, madame !» balbutia Mélanie, toute confuse, et maîtrisant avec peine ses sanglots. « Gaston !» reprit gaiement Madame de Villeberg. « Tu n'as donc pas dit à ta sœur que mes enfants n'ont pas peur de moi ?» Mélanie, embellie par l'émotion, adorablement jolie, hésita une minute. « Pardonnez-moi, » dit-elle, « je ne savais pas ce qu'est une mère. » Et attirée par Madame de Villeberg, elle l'embrassa avec transport. « Vous voyez bien, » dit la bonne dame, « ce n'est pas difficile d'aimer. » La glace était rompue. Quelques minutes plus tard, Madame de Villeberg, Mélanie, bon enfant et Monsieur de Villeberg prenaient place dans une grande berline de famille qui s'ébranla lourdement, traînée par deux honnêtes chevaux qui n'avaient jamais ambitionné les acclamations de la foule au champ de course. Mélanie seule avait aperçu Julien qui la regardait s'éloigner, blotti à l'angle d'une fenêtre. Si bien caché qu'il fût, elle vit ses yeux rougis par les larmes, et tant l'amour est égoïste, elle fut délicieusement émue de ce témoignage muet. Julien avait longtemps combattu son amour pour Mélanie. il avait été vaincu plutôt qu'entraîné. Délivré de ses scrupules par l'odieuse conduite de Madame Ripper, il lui avait donné tout son cœur et parce qu'il avait éprouvé sa grande et belle intelligence, son âme droite et fière, et parce qu'il se sentait, sous tous les rapports, digne d'être son mari. Cette séparation nécessaire lui était cruelle, non qu'il doutât du cœur et de la fidélité de Mélanie. Par avance, en quelques minutes, avec une intensité et une acuité d'émotion dont les natures sensibles ont le triste privilège, il avait souffert les énervantes douleurs de l'isolement. Il prit un amer plaisir à faire charger les malles de son ami, de sa fiancée, sur l'omnibus de l'hôtel. On transporta ses bagages chez Madame de Villeberg, sous la conduite de Miette, toujours attachée à Mélanie. Julien ne fut calmé qu'au retour de Bon Enfant, quand il apprit la cordiale réception faite à Mademoiselle Ripper, par son obligeante tutrice d'abord, ensuite par ses filles, Marthe et Georgette. Marthe était une jeune veuve de 32 ans, ayant un fils de 10 ans, grand et fort, qui paraissait son frère. Georgette n'était pas mariée. Bien qu'elle fût près d'atteindre sa 30e année, rien en elle ne trahissait ni même ne faisait entrevoir la vieille fille. Le mari de Marthe et le fiancé de Georgette avaient péri par le même accident de voiture. Un cheval emporté les avait jetés à la mer et ils s'étaient noyés. À cette époque, Marthe était mariée depuis 3 ans et allait être mère pour la seconde fois. Ce malheur si imprévu fit devancer le terme de la nature. La jeune femme mit au monde prématurément un enfant mort-né et fut pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort. Georgette, moins cruellement frappée, s'était épuisée au chevet du lit de sa sœur. Leur convalescence fut longue et pénible. Elles renoncèrent l'une et l'autre au mariage, qui d'ailleurs n'était pour elles qu'une affaire de convenance sociale. Quand elles sont de tempérament négatif, et le nombre en est grand, malgré les apparences, malgré des yeux aux chaudes effluves, malgré l'appétit sans duvet qui estompe bien des lèvres supérieures, malgré des sourcils fièrement arqués et qui s'étreignent voluptueusement dans la déclivité du front, les provençales donneraient des leçons d'insensibilité physique aux ladies les plus éthérées. « Le mariage ne nous réussit pas, » disaient en riant Marthe et Georgette, si quelques prétendants se présentaient, ce qui n'était pas rare, car sans être jolies à faire sensation, elles étaient agréables dans leur mignonne personne et charmantes d'esprit, avec ce je ne sais quoi attractif et rassérénant que donne la franchise des sentiments et l'honnêteté de la vie. Les Villeberg étaient d'anciennes noblesses de robe. Leur fortune, très honorable, s'était amoindrie depuis quelques années. Le phylloxéra, ce ravageur microscopique et infatigable des vignobles, avait dévasté leurs propriétés. Mais n'ayant jamais voulu lutter de luxe avec l'aristocratie aixoise, qui périt par la vanité, et avec le haut commerce, Madame de Villeberg et ses enfants n'avaient nullement changé leur genre de vie et continuaient, sans rien devoir à personne, à tenir un bon rang dans la société. Marthe et Georgette avaient reçu de leur mère une éducation excellente, moins encore pour l'esprit que pour le cœur. Le système de Madame de Villeberg avait toujours été de dire à ses filles la vérité, non pas la vérité entière dans toutes les circonstances, mais la vérité. De bonne heure, elle les avait habituées à regarder la vie en face. C'est le meilleur moyen de n'avoir pas de désillusions trop fortes, ni de déceptions trop vives. Mélanie ne fut donc pas pour Marthe et Georgette une énigme à déchiffrer. Sa situation leur était connue. Elle la plaignait et l'admirait. Le malheur et le courage sont sympathiques aux âmes loyales. Elles l'accueillirent franchement, en amie, en sœur. « Soyez la bienvenue, » dit Marthe. « Nous avons épuisé, Georgette et moi, toutes les mauvaises chances. Nous porterons bonheur. » Mélanie embrassa avec effusion la jeune femme et Georgette. Puis, les tenant par la main, elle alla vers Madame de Villeberg et les yeux brillants de reconnaissance et de bonheur. « Enfin, » dit-elle, « je trouve des femmes à aimer. » Bon Enfant s'était retiré discrètement à l'écart et semblait se livrer tout entier à la contemplation d'un portrait de famille. Il était profondément remué pour la seconde fois de la matinée et sans fausse honte, le boulevard Montmartre étant à 200 lieues, il s'abandonnait à son émotion. Il n'est même pas certain qu'il n'ait pas essuyé des larmes à la dérobée. Sans cela, pourquoi aurait-il eu son mouchoir à la main au moment où Mélanie se rapprocha pour lui dire « Julien sera bien content de me savoir heureuse ». C'était un congé. Bon enfant le comprit. Il ne se fit pas répéter l'invitation et se retira en compagnie de M. de Wilberg, qui se rendit chez le notaire pour les actes respectueux.